ouvriers qui cachent à gagner un sou. Il se trouve même des méprisés par des gens qui sont jaloux. Main métier, j'ai tous fileux et j'ai tout point trop heureux. Et pour m'y faire main affaire, me mettre à cuire des pantières. Vraiment, y a point de ce métier, je suis pointeux car je crie. Et si je gagne des bonnes journées, j'ai d'avant mes pentières frites. Avec une petite carrette et mes deux fourgnons plein dessus. Au coin d'un rue, je m'arrête et là je crie comme un perdu. Quand on vient me vacater, si Ori dit qu'on a point assez, vous l'avez quelque faux bien vu. J'en mets quelques morceaux pas su. Vraiment, il y a point de son métier, je suis pointeux car je crie. Et si je gagne des bonnes journées, j'ai ta vin, mes pantières frites. On peut manger mes pantières et sans crainte d'indigestion. Un léguatant vous verrez manquer, de l'humain vous les trouverez bon. Quand on m'en demande d'un paquet et de mettre aussi bien du C, et là je dis avec plaisir à qui un sou de pantières frites. Vraiment, il y a point de ce métier, je suis point honteux car je crie. L'hiver n'étant souhaité, jette à va mes pantières frites. Fais-moi et à point de ce métier, je suis point honteux car je crie. Et si je gagne des bonnes journées, jette à va mes pantières frites. Avec une petite invention, je sais que il gagne des bonnes journées. Tout chez filles et chez garçons, pas court me nacater. Viens à Trosnat pour un sou, il peut t'en manger d'heure tous. Et que je sais bien le rappeler, genre sa première qualité. Vraiment, il n'y a point de ce métier, je suis point honteux, car je crie. Et si je gagne des bonnes journées, j'ai ta vin de mes pentières frites. Et quand que je suis à ma boutique, eux je vins point habile assez. Pour servir tous mes pratiques, je suis obligé d'en refuser. Et toutes ces femmes de ménage, Facourt, Toubert et Acli. Indigent, habile, marchand, pour 2 centimes, un enfant. Vraiment, il y a point de ce métier, je suis pointeux, car je crie. Si je gagne des bonnes journées, j'ai ta vente, mes pentières frites. J'suis renommé tous les côtés, les courettes. Et sitôt qu'on m'entend crier, toi monde vient autour de me carrette. Ah mon Dieu que je suis content, je gagne un petit peu d'argent. Plus tard, je dirai comme Gramin, moins de saut de métier que de saut de gens.